donc un peu les filles. Allez, merci. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue ici sur l'antenne du Érigé, la radio de John Hayday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et c'est la première émission de ce mois d'avril. Qui dit première émission du mois d'avril dit émission en live, bien entendu. On va retrouver au cours de cette soirée des lives de John Hayday dans les années 2010. Autrement dit, aussi bien sur scène qu'à la télévision. On aura droit à des concerts officiels, des concerts non officiels. En gros, qu'est-ce qu'on va retrouver au cours de cette soirée de Johnny Hallyday à la télévision, comme à Taratata, comme son show Johnny, c'était en 2011. Johnny à la Tour Eiffel, et puis après on va le retrouver en tournée en 2012, en tournée en 2013 également, 2014, 2015, 2016. Voilà, voilà, un beau programme en perspective. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes prêts pour suivre Johnny Hallyday pendant 2 heures ici et nulle part ailleurs sur RIG. Voici tout de suite l'émission Johnny de AZ qui commence avec Johnny Hallyday. À Taratata, c'était en 2011, l'émission de Nagui qui était diffusée sur France 2 le 3 mai 2011 et Johnny défendait son album, son dernier album Jamais Seul. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne, très très très bonne écoute. Ah! toi qui me nuis, mais tes attitudes. Cette peau qui me colle, mon âme qui se délude, ce dernier verre d'alcool, cette solitude, seul au milieu de tous, non jamais, jamais, seul. Dans cette soirée Johnny Hallyday en live dans les années 2010. Et là, nous sommes toujours lors de ce taratata du 3 mai 2011. Johnny défendait son album Jamais Seul. Voici Guitar Hero. Je ressemble à toi. Je ressemble à toi. Avec cette guitare dans le dos. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais, je ne pourrai jouer. Je serai comme toi. Et je ne dis pas la vérité. Je ne ris jamais. live. On le retrouve à peine un mois plus tôt. Vous le savez tous, c'est avec Mathieu Chédid que j'ai travaillé sur mes nouvelles chansons. Pourtant, celle-là, c'est pas une nouvelle. Mathieu avait très envie qu'on la joue ensemble. Il m'a pas fait un cadeau parce que cette chanson, d'abord, je l'ai pas chantée depuis longtemps, mais elle est pas facile à chanter. Mais bon, ça commence comme ça, quand on vient la nuit. Le show Johnny sur TF1, c'était le 26 mars 2011. On retrouvera également, juste après ce titre, la douceur de l'amour. Je m'ennuie, je pense à toi. Voici les musiciens qui m'ont accompagné dans l'aventure de mon nouvel album. Et tout ça, c'est grâce à lui, mon ami Mathieu Chédid. Avec à la basse et à la guitare, Maxime Lucci. Et moi, je suis vraiment très heureux de vous présenter une de mes nouvelles chansons. Un morceau qui évoque deux choses très importantes pour moi. Mon retour au blues. Mon retour parmi vous. Et puis, je reviens surtout à ce que j'aime, c'est-à-dire vous, le blues et la douceur de vivre. Je ne suis qu'une erreur.

Merci à tous. Bonne fin de soirée. J'étais heureux de chanter pour vous ce soir. Merci. Non, non, non, on se quitte pas déjà. Non, non, non. On retrouve cette tournée 2012. Et là, cette fois-ci, nous partons du côté de Limoges. C'était le 11 novembre 2012. Ils sont les trois titres de Limoges, Allumer le feu, Hey Joe et La Tente.

n'est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas, puisque je t'attends? Pourquoi ne reprendrais-tu pas comme avant? À quoi peuvent bien servir mes jambes si comme les feuilles elles tremblent? Que vais-je bien faire de mes 10 doigts s'ils ne te touchent pas? Que peuvent devenir mes yeux s'ils n'y voient plus que du feu? En ce qui concerne mon front, il combat toujours ses démons. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour. J'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Reviendrais-tu pas? Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps? Comme avant, oui, comme avant. Cette escapade, ce petit voyage à travers les années 2010 et on se retrouve Johnny Day en live. Toujours en 2012, on le retrouve à la Halle Garnier à Lyon. C'était le 20 décembre 2012. Johnny Day sur RIG jusqu'à minuit. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. Mais c'est avec ma môme que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, ou de paraître froid. Mais tu discuter tous les deux. Son cœur me disait c'est fini. Les pleurs ont suivi. Excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, oui, de parler comme ça. Mais ces quelques pleurs me sont chères. ses yeux. Non, qu'elle ne pensait pas, non, ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Cette soirée, c'est à Marseille que nous retrouvons John Hallyday le 22 décembre, deux jours après celui de Lyon. 22 décembre 2012. Avec le titre Loudy Miss Cloudy. On retrouve John Hallyday pour le Bonne Rocker Tour en 2013. La première date de ce Banger Tour, c'était à Bordeaux le 2 juin 2013. On va y retrouver deux titres, Je suis dans la rue et Rock'n'Roll Man. Tout va bien, vous êtes sur RIG et dans l'émission Johnny de A à Z. Je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis et dans la ville, où les murs sont aujourd'hui, derrière un terrain vague, où se trouve les taudis. En traversant le fer, je te fais grandir. Je ne vous étonnez pas, si je ne sais pas sauver. Je suis né, si c'est moi le gilet dans la rue. Je suis là, vous priez en mort, et les filles devenez fort. C'était à la fin de vos mères, c'était à la fin de vos mères. Je niais, je niais, à la fin de vos mères. Et ses cheveux blancs dansés, qui sont presque ses yeux. Vous m'avez entendu gueuler à l'instant. Ouais, c'est bon encore ça. Allez, on va du côté de la Belgique. On va à Namur retrouver Joe Aidé interpréter Tennessee. C'était le 23 juin 2013. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes chaud ce soir. On a tous connu le martyr. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Ah, il n'y a pas grand chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé huit ans de tempête qu'on ne sait. Auparavant, le journal des fêtes de son anniversaire à Bercy ainsi qu'au Théâtre de Paris dans la nuit du 15 au 16 juin. Et nous ressortez ce fameux titre-là, datant de 1969. Voici le titre Réclamation, ici dans l'émission Johnny de la Z. Yeah! Elle quitte la scène pour retrouver une scène, oui, mais une scène de télévision. On n'a pas de télévision. Je n'ai jamais le vocabulaire. Oui, mais ça, ça a passé, ça. Lors de l'émission Ce soir, on chante Piaf. C'était le 17 janvier 2014. Voici Johnny qui nous chante L'hymne à l'amour. Le ciel bleu, comme il peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps sous tes mains, peu n'importe où oui, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai brunes et blondes. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais. De moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, ou si tu veux que tu sois. Cette fois-ci, nous sommes au grand studio de RTL, le 15 novembre 2014, et Johnny nous interprète « Je veux te graver dans ma vie ». J'étais tout seul, je suis parti, et je ne voulais pas m'arrêter. Une autoroute, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Soudainement je suis tombé, et comme ça je suis resté à chaque instant de la pauvreté. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, j'étais seulement tiré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement te baiser. J'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je vais partir, je vais courir, mais quand tu viens, je veux rester. Je suis sincère, je veux mourir. Pas pour un tour. Tu es libre pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Émission spéciale live ce soir dans l'émission Johnny de A à Z, les lives des années 2010. À l'instant, c'était celui de RTL. Là, on le retrouve dans l'émission Alcaline le Mag du 20 novembre 2014. Johnny présente son dernier album, Restez Vivant. Voici le titre éponyme à cet album, Restez Vivant. Ici, sur RG, l'émission Johnny de A à Z. Vouloir s'aventurer, laisser l'envie nous brûler. Être deux, tout se donner jusqu'à sa liberté. Se retenir, s'appartenir, une part en l'avenir. On voudrait que ça dure encore un bout de temps, avant qu'un mot foute le camp. Mais quand on est, quand on en rêve, restez vivant, restez vivant. Quand on aime, quand on en crève, restez vivant, restez vivant. Hey! Se blesser, se faire souffrir, se dire les mots les pires. Faisait sourire. L'année 2014 pour rejoindre l'année 2015. Cette fois-ci, c'était aux Francopholies de La Rochelle. C'était le 14 juillet 2015. Et ce titre-là, Gabriel. reste dans cette tournée d'été 2015 pour aller du côté de la Suisse au festival Palio Union. C'était le 23 juillet 2015. Et avec ce titre, j'ai pleuré sur ma guitare. De notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi, elle a son cœur à l'abandon. Ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. Vous pouvez chanter avec moi. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur mes chagrins. Tu es parti trop tôt. Et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, et dans ta voix, dans la voix du vent, j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu pour le chagrin. Tu es parti trop tôt et tu es venu si tard. Et je ne sais même pas où va ce pas. En chantant notre histoire, il pleut toujours un peu sur le chagrin. Tu es parti trop tôt, il est venu si tard. Je ne sais même pas où va ce train. Un grand show Johnny sur France 2, c'était le 28 novembre 2015. Nous allons retrouver deux titres, Noir c'est noir, et aussi le titre du dernier album de Johnny, de 2015, De l'amour. Noir, c'est noir.

On quitte le plateau de télévision pour retrouver Johnny Hallyday sur scène, sur la scène de l'arène de Nîmes. C'était le 17 juillet 2016 avec son titre La Terre Promise.

remonte une année en avant, 2014. Rentre Johnny Hallyday au théâtre Beacon à New York. Et ce titre, Voyage au pays du vivant. On arrive bientôt à la fin de cette émission spéciale live des années 2010. Je le porte autour de mon cou. Vers le porcelaine, le parfum interdit. Je n'accepterai que les coups. Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. pense à celui qui ne viendra pas. Mais je crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Il vient tout droit vers toi aussi, tu lui souris déjà. Il est trop tard, pour moi c'est bien fini. Et oui, les gens diraient qu'il a changé d'avis. Oh, oh, ne me regarde pas comme ça. Il y a tant de joie dans ses yeux, c'est bien fini pour moi. Hey, ciao! À Lille. On le retrouve pour un dernier titre dans cette émission spéciale live des années 2010. Johnny Hallyday à Périgueux, exactement Boulazac, c'était le 12 février 2016. Et avec le titre, vous avez reconnu l'intro, toute la musique que j'aime. Ah oui, c'est ici, c'est sur RIG, dans l'émission Johnny Boulazac, du mercredi de 22h à minuit. Dieu et puis l'amour, musique vivra. je l'aime et je le chanterai toujours. Live Johnny Hallyday ici sur l'antenne du RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Je remercie toutes et tous d'avoir participé et d'avoir et pour votre aussi pour votre présence à cette émission tous les mercredis de 22h à minuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'IDN et je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Ciao ciao.